إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد نحمد الله تبارك وتعالى الذي أرسل رسوله يعلمنا ديننا نلوم الله تبارك وتعالى celui qui a envoyé son messager pour nous enseigner notre religion. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Il est celui qui a envoyé aux illettrés un prophète de chez eux qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, même s'ils étaient auparavant dans un égarement évident. فَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَخْرَجَ عِبَادِهِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِالْعِلْمِ. Allah تَبَارَكَ وَتَعَالَى a donc fait sortir ses serviteurs de l'obscurité vers la lumière par la science. Il a envoyé son prophète qui enseigne aux gens le livre ainsi que la sagesse. Wa fil kitabi wa sunnah adillatun kathiratun jiddan tuwaddih lana fadl al-ilm wa ahlihi. Il y a dans le livre, dans le Coran et la sunnah, énormément de preuves qui nous montrent les mérites de la science et des gens de la science. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Il nous dit tabaraka wa ta'ala يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah élève en degré ceux qui ont eu la foi parmi vous et ceux à qui la science a été donnée. أيها الناس العلم فضل من الله تبارك وتعالى على عباده. Oh, chers frères, la science est une grâce d'Allah تبارك وتعالى qu'il accorde à ses serviteurs. Il nous dit تبارك وتعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. Et Allah fait descendre sur toi le livre ainsi que la sagesse. Et il t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Et certes, la grâce d'Allah sur toi est grandiose. La grâce d'Allah sur toi est grandiose. Ayyuha al-ikhwa. An-nasu fi ghaflatin min al-ilm. La yatlubunahu illa qalilan. Wa ma dhalika illa min ittiba'i khutuwati ash-shaytan. Oh, chers frères, les gens sont totalement insouciants de la science. Et il n'y en a que très peu qui cherchent à l'apprendre. Et cela n'est dû qu'au fait de suivre les pas, qu'au fait de suivre les traces du diable. Et donc nous devons craindre Allah tabaraka wa ta'ala concernant la science, concernant le fait d'apprendre notre religion. Ayyuhan nas, tahammal man kana qablakum al-mashaqqa min ajli talab al-ilm. Oh, chers musulmans, les gens d'avant vous ont supporté de grandes difficultés afin de pouvoir apprendre la science. Safar Musa wa taraka qawmahu ma'a annahu kana yu'allimuhum fatarakahum wa rakiba al-bahr min ajli an yastafida min al-khadr. Oh, cher frère Moussa, il a délaissé son peuple. Moussa, le prophète Moussa alayhi salam, il enseignait les juifs, il enseignait aux juifs leur religion. Il les a délaissés, il a voyagé, il est monté sur un bateau, et tout cela pour profiter de la science de l'Khadir. Oh, chers frères, comme est importante la science. Allah tabaraka wa ta'ala qui rapporte de Moussa. Allah nous dit, qala lahu Moussa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Alors Moussa lui a dit, c'est-à-dire à Al-Khadir, il lui a dit, est-ce que je peux te suivre afin que tu m'enseignes ce qui t'a enseigné, comme ce qui t'a été enseigné comme guidé. Wa kadhalika rahal Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu min al-Madinati ila Misr min ajli hadithin wahidin lamma sami'ahu raja'a ila al-Madina wa lam yafuk rahlahu. Et aussi Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu, il a voyagé de Médine jusqu'en Égypte pour un seul hadith. Et lorsqu'il a entendu ce hadith, il est retourné à Médine et n'a pas défait ses bagages. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كثير من الناس لا يفكرون في سبب وجودهم في هذه الأرض. Beaucoup de personnes ne méditent pas, ne réfléchissent pas concernant la cause de leur présence sur cette terre. خلقنا الله تبارك وتعالى لعبادته خلقنا للعمل والعمل مبني على العلم. Allah تبارك وتعالى nous a créés pour l'adorer. Il nous a créés pour œuvrer. Et les œuvres sont basées sur la science. بواب البخاري رحمه الله في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل. البخاري a cité dans son sahih un chapitre qu'il a nommé le chapitre la science précède les œuvres ainsi que les paroles. La science précède les œuvres ainsi que les paroles. وجعل الله تبارك وتعالى دخول الجنة بعمل. هذا العمل المفتقر إلى العلم. الله تبارك وتعالى fait que la cause qui permet de rentrer au paradis sont les œuvres. Ces œuvres qui elles-mêmes sont basées, qui ont besoin de science. Il nous dit تبارك وتعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. Et il fut dit, voici le paradis qui vous a été accordé par la cause de ce que vous avez accompli comme œuvres. Et certes, les œuvres ont besoin, nous avons besoin de science pour accomplir les bonnes œuvres. L'Ida Ja'a, an al-Imam Malik, wa al-Shafi'i wa Ahmed, rahimahumullah, annahum qalu inna talab al-ilmi afdalu min al-siyami wa ghayrihi min al-ibadat. Et c'est pour cela qu'il a été rapporté de l'Imam Malik, ainsi que Shafi'i et Ahmed, rahimahumullah, qu'ils ont dit que l'étude de la science est meilleure que le jeûne et que autre type d'adoration. قال الإمام أحمد رحمه الله: الناس أحوج منهم إلى العلم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، فإن الناس بحاجة إلى الطعام والشراب مرة أو مرتين في اليوم، وأما العلم فبحاجة إليه في كل نفس من أنفاسك. الإمام أحمد رحمه الله il nous dit: les gens ont plus besoin de la science que de leurs besoins en nourriture et en boisson. Car certes, la nourriture et la boisson, tu en auras besoin une ou deux fois dans la journée. Mais la science, tu en auras besoin à chaque fois que tu respires. Tu en auras besoin à chaque fois que tu respires. Tu as besoin de savoir si ce que tu fais est bien ou pas. Tu as besoin de savoir si ce que tu fais est obligatoire ou interdit. S'il est recommandé ou détestable. Si tu es récompensé pour cela ou pas. Tu as besoin de la science. ولكن الناس مشغولون بالدنيا. Cependant, les gens sont occupés par la dunya. فعندنا الآن دروس يوميا تقريبا في هذا المسجد والحمد لله. Aujourd'hui, alhamdulillah, nous avons des cours presque tous les jours dans cette mosquée. فماذا ننتظر؟ Alors, qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous attendons avant de commencer à apprendre notre religion? بعض الناس يحضرون الدروس الدنيوية يكتبون كل الفوائد لا يفوتهم شيء شيء. Certaines personnes, ils assistent à des cours concernant les sujets mondains, ça peut être mathématiques ou autres, ou des formations pour obtenir un emploi. Ils ne ratent aucun cours et ils ne ratent rien du cours. Ils vont tout noter. أما العلم الشرعي فلا نهتم به. Concernant la science légiférée, alors celle-ci, nous ne lui accordons pas d'importance. On n'y assiste que très peu. Et si on y assiste, on n'en note pas. Et si on n'en note pas, on oublie. Et si on oublie, c'est pas grave. Cela nous montre le problème dans lequel nous sommes aujourd'hui, aux chers frères. Ce grand problème que nous devons corriger. Ayuhannas, inna Allah tabaraka wa ta'ala, amara nabiyahu. بطلب الزيادة من شيء واحد. Oh, chers frères, Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné à son prophète de demander l'augmentation d'une seule chose. Une seule chose. وليس هو المال, et ce n'est pas l'argent. وليس هو النساء, et ce ne sont pas les femmes. وليس هو الطعام, et ce n'est pas la nourriture. وإنما هو العلم. Mais c'est la science. Il a ordonné à son prophète de demander l'augmentation de la science. Et dit au Seigneur, augmente-moi en science. Fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. A'lamul ulama. Wa ma'a thalik. Amarahu Allah tabaraka wa ta'ala. Bi talabi ziyadati min al-ilm. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est le plus savant des savants. Et malgré cela, Allah tabaraka wa ta'ala lui a ordonné de demander l'augmentation de la science. Que devons-nous dire, nous? Que devons-nous dire, nous? Est-ce que nous n'avons pas besoin de la science pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala avec clairvoyance? Ayuhannas, al-ilmu tariqun ila jannah. Oh, chers frères, la science est une voie qui mène au paradis. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. Celui qui emprunte une voie recherchant la science, alors Allah lui accordera par cela une voie menant au paradis. فكيف نترك هذه المجالس؟ Alors comment pouvons-nous délaisser ce genre d'assises? Est-ce que réellement nous voulons, est-ce que réellement nous désirons le paradis? Et certes, nous savons tous qu'il n'y a aucun d'entre nous qui espère qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne veut pas de lui du bien. Bel kulluna el mawjuduna wal ghaibun kulluhum yatamannawun أن الله تبارك وتعالى يريد بهم خيرا. Tous ceux qui sont présents et ceux qui sont absents, ils espèrent tous qu'Allah تبارك وتعالى ils veulent d'eux du bien. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Le prophète صلى الله عليه وسلم est celui qui dit, celui dont Allah lui veut du bien, il lui accorde la compréhension de la religion. Et c'est pour cela que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit dans son livre Ar-Ruh wa su'ul fahmi 'an Allah wa rasulihi sabab kulli bid'atin wa dalalatin fi l'islam. Il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah dans son livre Ar-Ruh, et le fait de mal comprendre ce qu'Allah et son prophète veulent est la cause de toute innovation et de tout égarement qu'il y a dans l'islam. Fanas'alullah tabaraka wa ta'ala an yu'allimana dinana. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de nous enseigner notre religion, de nous placer parmi ceux qui font des efforts pour apprendre cette religion et œuvrer avec clairvoyance et œuvrer sur le sirat al-mustaqim, la voie de rectitude, et de nous faire mourir sur cela. Il est capable de toutes choses. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقيم الصلاة.